Merci beaucoup. Bonsoir une fois de plus. Je vous remercie donc tous d'avoir suivi cet enseignement aujourd'hui sur la sodomie. Donc avant de pouvoir répondre aux deux autres questions, indépendamment de l'enseignement, les gens ont insisté de savoir, que je puisse décrire la liste des dangers de la sodomie, que ce soit à l'état normal ou à l'état mystique ou spirituel en vue des manipulations et du vol d'énergie. Ben, écoutez, la liste serait très très exhaustive, mais ce que je peux vous dire déjà, le premier danger est que du point de vue médical, nous avons vu le cas. Hein. Vous avez suivi à une jeune compatriote qui a posé le problème des couches câlines qu'on ne retrouve plus au niveau de Libreville. Toutes les pharmacies se vident en ce moment. Il y a carence maintenant des couches câlines. Donc les conséquences sont désastreuses du point de vue médical de la santé de certains hommes qui en subissent. Et chez la femme encore, ça va, son bassin est large, mais chez les hommes, c'est compliqué. Ce qui fait que ces mecs-là, ben, ils souffrent des hémorroïdes hein, pour le reste de leur vie. Maintenant, dans le plan mystico-spirituel, vous savez, c'est des personnes qui sont complètement vidées. Mystiquement, vous êtes vidé et vous êtes vulnérable à toute éventualité mystique. C'est-à-dire que tout sorcier peut facilement vous pénétrer et vous faire du mal. Ça, c'est évident. Et puis, vous êtes également dans la société, vous aurez vraiment des déséquilibres psychologiques parce que à chaque fois que vous allez vous retrouver en face de ceux-là qui abusent de vous dans le but d'épuiser les pouvoirs en vous, vous allez vous sentir toujours dominé, vous allez vous sentir toujours inférieur. Vous ne ressentirez plus votre masculinité, sur le cas des hommes. Donc voilà un peu la liste, elle est exhaustive, comme je disais, il y a trop de détails. Mais aujourd'hui, je viens répondre plutôt à deux questions très importantes. La première question est de savoir comment obtient-on le don de vision et comment obtient-on le don d'audition. Audition, en langage parapsychologique, on appelle ça la télaudience. Télaudience veut dire la faculté d'écouter les voix et les messages des grands maîtres, ce qui n'a rien à voir avec la schizophrénie où il s'agit d'écouter des voix qui sortent de vous dans le cadre de la psychiatrie. Mais ici, il s'agit d'écouter des voix des esprits qui vous parlent. Vous les entendrez très clairement. Alors, comment cela est possible de pouvoir justement avoir cette faculté de la télaudience? Et la première question, comment avoir cette faculté de vision? Si on ne dit pas vision, on dirait voyance. Si on ne dit pas audition, on dirait les pouvoirs auditifs, les pouvoirs de télaudience. Et le cas de voyance, on dira les pouvoirs de télévoyance. Bien, le comment, c'est aussi simple. Quelle que soit l'obédience religieuse, quelle que soit l'obédience spirituelle, quelle que soit l'obédience fraternelle, quelle que soit la fraternité à laquelle vous appartenez, quelle que soit la secte, quel que soit le cercle mystique, quelle que soit la loge, tout le monde va toujours vous donner une armure complète, des outils nécessaires pour vous permettre de communier avec l'au-delà. Parce que c'est ça le but en fait de l'initiation. Et même dans la magie pratique, il est question pour vous de communier avec les esprits de l'au-delà. Donc, parler avec eux, leur donner des commandes, et ainsi de suite. Et parfois, ils peuvent vous aviser de certains dangers. Bon, par exemple, je ne vais pas vous dire laquelle. Parmi mes deux bagues que j'ai ici, il y a souvent une, lorsque je me retrouve dans un milieu très dangereux, elle me sert au point où j'ai même les maux de tête. Si j'insiste d'aller à ce lieu-là, par exemple, je leur dis, je veux me rendre à l'Assemblée nationale, je veux voir M. X, eh bien, la bague va commencer à me serrer tellement que je serai gêné. Si j'insiste, je vais attraper des maux de tête violents. Qu'est-ce qui le fait? Ce sont justement les maîtres invisibles. Mais là, c'est une intervention physique interposée. Voyez-vous, ça c'est une intervention physique interposée. Donc j'ai l'une de ces bagues-là. Et il y a une autre bague par contre qui, si je me retrouve, bon, ça fait très longtemps que je la porte depuis près de 39 ans, quand je me retrouve dans un milieu malsain, dans une boîte de nuit, si vous m'invitez par exemple, eh bien cette bague va disparaître. Elle disparaît. Et dès lors que je décide de ne plus partir, par la pensée simplement, la bague revient à moi. Ça veut dire que ces entités-là me communiquent par les faits, par des objets. Il y a par contre d'autres, ça ce n'est pas une bague, il y a d'autres maîtres qui travaillent avec moi. Lorsque je me rends dans certains endroits, par exemple, eh bien, d'abord avant de me rendre, ce que je vous avais dit dans l'enseignement général, mystico-spirituel, se mettre à l'écoute des maîtres, à se mettre à l'écoute des signes des maîtres. Eh bien, se mettre à l'écoute des signes des maîtres veut dire qu'avant de sortir de chez vous, avant d'aller au travail, avant d'aller à un rendez-vous, il y a une recommandation que j'ai faite. L'enseignement est ici, disponible sur YouTube, où j'explique aux gens ce qu'il faut faire. D'accord? Vous devez vous asseoir et écouter ces signes-là. Il y a des signes que vous allez observer. Il n'y aura pas forcément une voix qui va vous parler. Mais la question fondamentale aujourd'hui, c'est sur les voix qui vous parlent et sur, comment dirais-je, les visions que vous avez. Et c'est d'ailleurs celle que j'utilise pour la plupart des gens qui peuvent venir vous témoigner, des gens à qui je fais des consultations, parfois même étant dans le sommeil, je n'ai pas le temps de me reposer. Mais quand je suis fatigué comme ça, rassurez-vous, ce n'est pas moi. Ce sont plutôt ces entités de l'au-delà qui, lorsque je vous demande souvent votre nom et prénom et la date de naissance, ben, c'est fait exprès. Automatiquement, je leur donne le nom. Et puis, voilà comment ils commencent à m'essouffler. On appelle ça souffler des informations. Mais quand ils m'essoufflent les informations, là, ça s'appelle de la télaudience. C'est-à-dire que là, ils sont en train de me donner certaines informations. Je me concentre. Soit je les écris, soit je vous appelle automatiquement. Comme pour certains, durant ce week-end, j'étais très, très, très pris. Depuis vendredi, là, jusqu'à aujourd'hui, samedi. D'abord, vendredi, nous étions occupés par l'enseignement. Après l'enseignement, il y a eu près de 9 personnes à qui j'ai fait des consultations, qui, pour la plupart, se trouvent en Martinique, dans la Réunion, en Guadeloupe et ici aux États-Unis. Mais la majorité de ces consultations, souvent, dès que je posais le nom, eh bien, les entités me soufflaient des informations. Ces informations sont soufflées comment? Ben, ils me disent. Quand je parle avec la personne a comme l'impression que je parle comme une machine. Je lui dis, ben voilà ce que vous êtes, voilà le genre de personne que vous êtes, et suite, et suite, et suite, et suite. Vous devez faire de l'attention. Par exemple, il y a un couple à qui je fais des consultations. Et ils se sont confiés à moi en disant que, mais attendez, maître, parce que là, nous avons une personne qui nous a fait un saut, des travaux et tout, et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Et automatiquement, eh bien, les entités m'ont dit, ce saut, c'est bien fait, mais malheureusement, elles travaillent en complicité avec leurs adversaires qui leur veulent faire du mal et qui devaient faire très attention parce qu'elle est capable de beaucoup parler, effectivement, et s'est confiée à l'autre camp opposé qui en veut à ce couple-là. Et automatiquement, le couple a donc exécuté. Et le lendemain, ils sont venus me confirmer que oui, maître, vous aviez raison parce qu'on s'est rendu compte qu'ils font également des travaux pour nos ennemis. Bref, ce genre d'informations, je les reçois par téléaudience. Téléaudience veut dire que les entités me soufflent des informations. Vous allez me poser la question, souffler comment? Mais ils parlent. J'entends comme quelqu'un qui me parle. Ils me disent, voilà, pour le cas là, dis, c'est ceci. Oui. Ne fais attention, lui, là, elle est dangereuse. Donc, ce sont des flashs d'informations. Maintenant, c'est à moi de les interpréter correctement. Ils vont me dire seulement, eux, ils ne rentrent pas parce qu'eux, ils ne parlent pas beaucoup. On communique en esprit. Donc, je dis, ils vont me dire, elle est dangereuse. Elle n'est pas bonne pour eux. Pas bonne pour eux. Et en ce moment, je leur dirais, ben oui, comme pour le cas de ce couple-là, que le saut qu'elle vous a fait, c'est bien beau, mais elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que elle travaille. Et quand je dis quand elle travaille, donc ça veut dire les entités même me donnent des flashs. C'est comme de la télévision que j'ai en face de moi. Donc ils me donnent ces flashs-là. Je les vois clair comme sur l'écran de la télévision qui est devant moi. Voilà. Et tout comme avec la technique de mes amis où je m'étais initié ici, dans les rites amérindiens ici, donc les Native Americans, j'ai fait les consultations à travers l'eau. Donc je mets ma cuvette blanche, je la remplis d'eau. Je la fais tourner avec certains objets sacrés que je ne veux pas exposer au public. Ils sont avec moi ici dans mon temple. Et après cela, je pose la question, Matsanga Marie Odile, Matsanga Marie Odile. Et puis voilà, je veux savoir pourquoi elle est dans cette situation. Et la cuvette d'eau va me montrer tous ceux qui font du mal à Matsanga Odile. Et les noms même vont apparaître sur l'eau. Voilà comment les entités, ça dépend, comme je vous ai dit tout au début de mes propos, ça dépend, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Bah, par exemple, pour le cas de la magie christique, ce que j'appelle la mystique chrétienne. Dans le cas de la mystique chrétienne, souvent quand je travaille avec ceux qui sont chrétiens, par exemple, que je leur fais des consultations, je travaille avec le psaume 39 et le psaume 40. Ces psaumes-là, souvent déclenchent des visions. Et ce qui fait que ces visions apparaissent. Et puis voilà comment je donne les informations. Donc ça dépend. Maintenant, ça c'était par rapport à la telle audience. Donc retenez l'expression, les esprits vous soufflent. Maintenant, la télévoyance. Donc voir dans le temps. Voir dans le passé, le présent et le futur. Parce que quand vous me posez un problème, vous me demandez, essayez un peu de voir ceci. Bon. Souvent, je vous dis non, voir quoi? Soyez clair. Non, je veux savoir si, par exemple, le cas d'une maman, elle était tellement impatiente, je lui ai fait la consultation vendredi, hier donc. Je lui donne toutes les informations, elle me dit oui, c'est vrai, oui, mais mon Dieu, mais c'est comme si vous étiez là, il est tellement nerveux, ceci, cela, il veut plus de moi, ceci, oui, vous avez... J'ai tout dit. Et à la fin, elle m'avouera que, mais maître, donc moi, ma peur, là, moi, je me dis qu'il ne m'aime plus là, il savait dire quoi, il n'a pas une femme dans sa vie. J'ai dit, mais il fallait me poser cette question, parce que il y a des informations parfois que les entités ne trouvent pas utiles de me donner. Si l'entité ne me donne pas cette information, ça veut dire qu'il n'y a pas danger. Je lui ai avoué à la fin que, mais non, votre mari ne vous triche pas. Ah. Alors, donc, toute la consultation, là, je passais presque une heure en tchatcha avec elle, au lieu de me poser la question, dire, parce que je lui ai dit, il est grand temps que vous me posiez des questions pour que je puisse voir clair maintenant, là. Est-ce qu'avez-vous des questions? Oh non, ça va. C'est maintenant vers la fin qu'on a fini la consultation qu'elle me dira, mais maître, vraiment, et mon mari, là, moi, je pensais que vraiment, il me trichait. Je dis, non, pas du tout. Je vous ai dit au début de mes propos que c'est un homme intègre, il est fidèle. Sauf qu'il habitait par la colère. Bref, vous ne connaissez pas de qui je parle. C'est un couple européen, donc le monsieur est blanc. Bref. Alors, la télévoyance marche parfois par des questions-réponses. Donc, ça veut dire quoi? Le client me pose la question que, ben, est-ce que ma relation là va durer, par exemple? Bon, là, ça, c'est une question vague. Si vous me posez la question, est-ce que la relation va durer? Les esprits peuvent me dire neutre, neutre, neutre. Donc c'est à moi d'utiliser maintenant mes facultés psychiques pour pouvoir vous donner la réponse. Et je vous dirai, oui, elle va certainement durer, mais avec beaucoup, en dents de scie, parce qu'il y aura beaucoup de problèmes qui vont aboutir éventuellement à un divorce. Ah, par contre, si vous me posez la question, est-ce que je vais divorcer avec mon mari ou bien ma femme va me divorcer? En ce moment, les entités ou les esprits vont me dire oui ou non. Donc, c'est ce qu'on appelle la télévoyance. Donc, cette télévoyance, les esprits vont me montrer dans le futur ce qui va se passer. Et c'est ainsi que je dois interpréter ces images-là. Je les interprète. Donc, ça dépend de la culture. Moi, dans cette pratique de télé-audience, de télévoyance, moi, je l'ai développée à partir du pranayama yoga. Donc, c'est en éveillant, par exemple, c'était en éveillant le serpent qui est en moi, ou ses facultés. Ce sont avec le temps développés. Et ensuite, je suis quand même un papa des Gémeaux. J'ai perdu les Gémeaux plus de 3 fois. Et j'ai même perdu les triplés une fois. Donc, les entités de ces Gémeaux-là et tout sont toujours autour de moi. Hein, et j'ai pris conscience de cela quand je suis allé manger mon bois sacré. Je me suis rendu compte que ces mecs-là, ils sont toujours avec moi. Ils me disent, ne pense pas que toi, on va t'abandonner, on est toujours autour de toi. Mais que les mamans qui nous ont fait du mal, là, elles vont le payer. Effectivement, malheureusement. Pardonnez-moi, c'est une triste nouvelle.